qu'intéresse le prodigieux développement scientifique actuel dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence. Voici réalisé par Paul Castan, l'émission de Paul Sarès, Actualité. Le progrès et la vie. Rendez-vous à 5h. Les années 60, une émission de Philippe Garbi et Annie Douel. Aujourd'hui, 1968, première émission. 1968, événement. Ce qui arrive, ce qui se produit, fait historique important. Telle est la définition du mot « événement » dans le Petit Larousse. Le même Petit Larousse qui ajoute, pour la définition du même mot, en statistique, éventualité qui se réalise. En psychologie, scène ou fait déterminé capable d'appeler les réactions intimes d'un sujet et d'infléchir son histoire. Telles sont les définitions du mot « événement » au singulier. Au pluriel, cela donne « situation générale » dans ce qu'elle a d'exceptionnel. Bref, un événement ou des événements se produisent chaque instant, chaque jour, chaque année. L'émission d'aujourd'hui devrait donc naturellement remettre en lumière une succession d'événements, d'événements estampillés 1968. Ces événements, quand arriveront-ils et de quelle nature seront-ils? Killy et ses trois médailles d'or, le remariage de Jackie Kennedy, l'Odyssée de l'espace, 2001, c'est un film après avoir été un roman, les Shadocks, venus de l'espace, le printemps de Prague et d'autres printemps, puisque les événements de 68. Ils ont eu pour épicentre le Quartier Latin à Paris. Paris s'éveille. D'ici là, 1968 se met en place. Les décors, les acteurs, les metteurs en scène, les petites musiques. Gainsbourg et le cynisme. Les situationnistes et le situationnisme. Apollo 8. De quoi parle-t-on à la radio? De tout, bien sûr. De la vie, simple et tranquille. Tenez, le feuilleton. L'un des plus célèbres diffusés sur France Inter, Noël aux quatre vents. Simple et tranquille. Certes. Mais est-ce que même au sein d'une famille unie, non sans aventure, sinon il n'y aurait pas de feuilleton, la révolte ne gronde-t-elle pas? Doucement. Parce qu'une vieille servante ne saurait hurler contre la modernité. Il faut dire que son patron, Pierre Mondy, fabrique du lait en poudre. Monsieur sait très bien pourquoi. Non, madame Marinon. Si, monsieur. Et c'est pas bien de la part de monsieur de vouloir jouer comme ça, les innocents. Parce que si j'étais devenue muette, c'est à cause de monsieur, justement, qui m'avait comme coupé la langue. Moi? Moi. Si je connaissais pas monsieur depuis qu'il est grand comme ça, je me laisserais prendre à des mois de cette sorte. Mais j'en ai vu et entendu. Alors monsieur perd le mal qui se donne et ça me laisse de banquise. C'est toujours cette histoire de lait en poudre? Oui, monsieur. Vous êtes toujours révolté? C'est plus de la révolte, monsieur. C'est de la résistance. Allons. Sans vouloir faire des jeux d'esprit, le lait en poudre de monsieur, eh ben, je l'avale pas. Mais qu'est-ce que vous lui reprochez à mon lait? Il n'est pas bon? Si, monsieur. Il ne se dissout pas instantanément sans faire le moindre grumeau? Si, monsieur. Il ne vient pas des meilleures vaches du pays? Mais si, les monsieur. Vaches ne sont pas soignées et examinées par les meilleurs vétérinaires? Si, Eh ben alors, il est en poudre. Un point, c'est tout. Mais enfin, madame Marie, puisque c'est moi qui le fabrique, puisque j'ai construit la plus grande usine de France, puisque je suis l'un des plus importants producteurs de poudre de lait d'Europe, alors c'est bien le moins que je donne l'exemple et que j'utilise ce lait dans ma propre maison. Je sais bien que je suis une vieille bête et que je comprends rien à rien, mais monsieur ne m'empêchera pas de lui dire ceci, les quatre vents, c'est pas la cabine Apollo 8. Quoi? Les Américains de la Lune, là, les Bormann, les Lovell et les Anders, qu'ils emportent toute leur cuisine dans des petits sacs en plastique, ça les regarde. Qu'ils mangent de la dinde en poudre, des pommes de terre en poudre et des gâteaux en poudre, c'est peut-être nécessaire. Parce que dans leur capsule, ils ne peuvent pas évidemment emmener une Madame Marie. Non. Mais ici, monsieur, il y a un petit garçon qui n'a pas encore 2 ans. Et je ne sais pas pourquoi je le nourrirai comme un astronaute. Il ne va quand même pas aller dans la Lune. En 1968, on ne se révolte pas seulement contre le lait en poudre. Après les événements de mai-juin, apparaîtront des tonnes d'ouvrages, de réflexions et d'explications. Avant les événements, il y eut aussi réflexions, théorisations, critiques de la société de consommation, pas seulement contre le lait en poudre. Dans Le Masque et la Plume, on s'intéresse dès le 14 janvier 1968 aux situationnistes. Bon, alors maintenant, dans le genre du négativisme absolu, Et pour faire plaisir aux dadaïstes de Nanterre qui sont là-haut, et qui ne sont pas que deux, semble-t-il, dans la salle, j'ai pensé vous poser le problème des situationnistes. Car ils viennent paraître coup sur coup chez Correa et chez Gallimard, deux livres de deux situationnistes redoutables, dont l'un est M. Raoul Van Eyghem, qui a écrit un traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations. Vous dire ce que c'est que le situationnisme, j'en suis bien incapable. Nous allons essayer d'en parler à cette table, car il me semble que c'est important. Quoi que nous disions d'ailleurs, ils nous enverront leur mépris le plus cordial, car nous sommes à leurs yeux, disent-ils, les salariés de l'ordre établi. On pourrait les résumer en citant cette phrase du grand poète Keats, qu'ils aiment beaucoup. « Tout ce qui peut être anéanti doit être anéanti pour que les enfants soient sauvés de l'esclavage. » Ce sont donc des nihilistes actifs, des nihilistes révolutionnaires. Est-ce que ces formules sont justes, approximatives? Ce sont les provos qui pensent. Oui, Burguet me passe aussi des pamphlets du genre, dont un en est déjà son 20e mille. C'est pas Saint-Ex ni Bazin, mais c'est déjà pas mal en littérature. De la misère en milieu étudiant, n'est-ce pas, par les membres de l'International Situationniste. Il faut lire le sous-titre. Le sous-titre est génial. Voulez-vous le lire, Burguet, parce que j'ai trop parlé. Considérer sous ses aspects économiques, politiques, psychologiques, sexuels et notamment intellectuels, et de quelques moyens pour y remédier. C'est ça. Et puis alors, il y a aussi les cahiers de l'International Situationniste. Nous avons affaire là visiblement, l'International Situationniste, nous avons affaire là visiblement à un mouvement assez important qui trouve en tout cas un très grand éditeur pour publier cet essai de Raoul Van Eyghem, dans lequel il y a d'ailleurs, il me semble, des choses très belles et très utiles et très excitantes. Mais j'ai assez parlé, à vous, messieurs, dire ce que vous en pensez. Le premier, Claude Roy. Bon, eh bien, le situationnisme me semble un mouvement qui est en effet maintenant au premier plan de l'actualité, dans la mesure où enfin Guy Debord, qui est le directeur de la revue L'International Situationniste, vient de publier La Société du Spectacle chez Correa, et où Raoul Van Eyghem vient de publier le traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations, qui permettront enfin au public qui n'avait pas lu leur revue, qui avait atteint très peu de lecteurs jusque-là, de connaître leur thèse centrale. Les thèses centrales, elles s'inscrivent dans la filiation du jeune Marx, du Marx des années 1840, du dadaïsme, du surréalisme, et peut-être d'un livre auquel implicitement Van Eyghem notamment se réfère, qui est un des premiers livres du philosophe marxiste Henri Lefebvre, La critique de la vie quotidienne. Pour résumer une pensée qui est complexe, riche et virulente, on pourrait dire que c'est d'une critique de la vie quotidienne que partent et Debord et Van Eyghem et leurs camarades. Critique de la vie quotidienne dans sa pauvreté fondamentale, pauvreté qui est accentuée même par les aspects de richesse et d'opulence de la société dite de consommation dans laquelle nous vivons. C'est le process de l'aliénation au sens que Hegel et Marx avaient donné à ce terme, qu'ils poursuivent avec, en ce qui concerne Guy Debord, une force d'analyse, avec en ce qui concerne Van Eyghem un brio des formules et une espèce de violence polémique et destructrice qui en font non seulement un penseur, un philosophe, mais aussi en ce qui concerne, à mon goût particulièrement, Van Eyghem, un écrivain très remarquable. Oui, ça c'est sûr, en tout cas c'est un homme qui écrit brillamment et qui a beaucoup de choses à dire. Ça paraît évident. Est-ce qu'on est de cet avis? Est-ce qu'on est aussi positif que Claude Roy, qu'Anthers ou... Ce qui a d'importance, c'est, comme il l'a dit Claude Roy, que c'est un mouvement de critique fondamentale, de critique dadaïste, en effet. Nous, ça, ils reprennent un certain fondamentalisme, une certaine totalité, de totalisation, si l'on peut dire, de la critique qui était le propre de Dada. Ils le reprennent et en ce sens, ils ne se rallieraient pas aux surréalistes. Ils chercheraient d'autres choses que le surréaliste qui leur paraît déjà apporté. Ils ne sont pas non plus trotskistes, si vous voulez, dans la mesure où le trotskisme est également un peu suspect d'industrialisme. Une chose importante dans ce mouvement situationniste et dans la critique qu'il fait du monde, c'est que c'est une critique du monde tel qu'il va mal, et c'est une critique qui s'applique aussi bien aux penseurs capitaliste, si vous voulez, aux penseurs de droite et aux penseurs de gauche. C'est-à-dire que c'est une critique radicale qui nous dit l'image de la vie que donne le monde, et même le monde de ceux qui se prétendent encore révolutionnaires, est une image conformiste. L'ouvrier de la société capitaliste travaille pour avoir sa voiture, et l'ouvrier de la société soviétique travaille aussi pour cela. Donc ça, c'est une critique qui est assez mal accueillie, qui est un peu anarchisante aussi, dans la mesure où elle veut s'adresser à au-delà des distinctions politiques d'aujourd'hui. Je crois que c'est dans le traité de savoir-vivre que l'auteur dit quelque part, nous, la jeunesse que nous voulons atteindre, c'est celle qui n'a pas d'engagement politique ni à droite ni à gauche, ou qui n'en a eu que par petite erreur, à un moment, par jugement trop rapide. C'est contre toutes les politiques qu'il s'agit de dresser une sorte de critique radicale. Une critique qui me paraît en général très intelligente et très efficace parce qu'elle est minutieuse, parce qu'elle est de la vie quotidienne, parce qu'elle dénonce le mensonge. Ce n'est pas non plus un mot de vocabulaire situationniste, mais enfin, elle dénonce le mensonge de tous les journaux, de toute la presse, de tous les moyens de représentation, de tous les moyens de spectacle qui font tourner en bourrique toutes les bourriques, c'est-à-dire à peu près tous les hommes d'aujourd'hui. Ça, c'est une critique absolument radicale. Ce qui est peut-être nous a un peu plus faible, c'est que cette critique radicale nous renvoie à quoi de positif ensuite. Nous attendons toujours la critique et puis le monument qui viendra. C'est-à-dire que dans la seconde partie qui se veut positive, les thèses de M. Van Eygem sont moins affirmées, sont moins brillantes, sont moins saisissables, si vous voulez. Van Eygem étant né en 1934, il ne peut pas à la fois démolir le monde et le reconstruire. Je ne sais pas quel était l'âge du jeune Marx auquel Roy parlait tout à l'heure. Enfin, l'âge ne fait pas grand-chose. L'âge de Marx. Marx avait peut-être 30 ans à l'époque du jeune Marx. Oui, il avait 35 ans. En gros, la critique étant une critique totale de toutes les formes de la vie en société et de tous les mensonges qui alimentent tout le temps, toute la presse, tous les moyens d'expression et finalement la vie telle que nous le faisons. C'est une critique totale de l'homme en société. Il semble que cela doit renvoyer à une sorte d'homme de nature. On reviendrait à un rousseauisme ou à un homme de tradition. Et une idée de la société où l'organisation sociale et le rôle du pouvoir seraient, semble-t-il, beaucoup simplifiés et remis à des conseils ouvriers. À des conseils ouvriers, répète M. Debord dans son livre, ça, avec assez d'insistance. Je crois qu'en russe, conseil d'ouvriers, ça se dit soviet. Mais je pense que s'il ne met pas le mot soviétique, c'est justement pour montrer la différence. Bien sûr. Michel Pollack veut faire intervenir quelqu'un dans la salle. Non, voulez-vous vous poser des questions? Alors, on renvoie vers Dada, le jeune garçon de Dada, bien entendu. Ils vont dire que c'est Dada tout dit avant, déjà. Non, mais je crois que c'est quand même une manière de résoudre une certaine angoisse et qu'il faut penser aussi à ce problème. Le problème de l'angoisse, on le résout de toute manière. Il faut le résoudre. On ne peut pas rester avec son angoisse. Il faut faire quelque chose. Le situationniste a trouvé un moyen, et je crois que c'est un moyen qui se défend de toute manière, puisque la théorie en elle-même se défend. Fais pas si, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis maman. Fais pas si, fais pas ça, à dada, prout prout cadet, à cheval sur mon bide. Mets pas tes doigts dans le nez, tu suces encore ton pouce. Qu'est-ce que t'as renversé, ferme les yeux, ouvre la bouche. Pour pas tes ongles vilains, va te laver les mains. Ne traverse pas la rue, sinon pendant tu tues. Fais pas si, fais pas ça, à dada, prout prout cadet, à cheval sur mon bide. Laisse ton père travailler. Viens donc faire la vaisselle. Arrête de chamailler, réponds quand on t'appelle. Sois poli, dis merci à la dame. Laisse ta place, c'est l'heure d'aller au lit. Faut pas rater la classe. Fais pas si, fais pas ça. À dada, poutre de cadet, à cheval sur mon bide. Tu me fatigues, je n'en peux plus. Dis bonjour, dis bonsoir. Ne cours pas dans le couloir, sinon pendant tu. Fais pas si, fais pas ça. Viens ici, au toit de là. Prends la porte, sors d'ici, écoute ce qu'on te dit. Fais pas si, fais pas ça. À dada, poutre de cadet, à cheval sur mon bide. Tête de mule, tête de bois, tu vas recevoir une bête. Qu'est-ce que t'as fait de mon peigne? Je ne le dirai pas de voix. Tu n'es qu'un bon à rien, je le dis pour ton bien. Si tu ne fais rien de meilleur, tu seras meilleur. Fais pas si, fais pas ça. Atada pour tout cadet, à cheval sur mon bidet. Vous en faites pas les gars, vous en faites pas les gars. Moi aussi on m'a dit ça. Fais pas si, fais pas ça, fais pas si, fais pas ça. Et j'en suis arrivé là, et j'en suis arrivé là. Et j'en suis arrivé là, la la la. La la la. La la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. Il n'y a pas que la politique dans la vie, la preuve. Et puis un auditeur du Masque à la Plume a vu, lui, un film suédois, Je suis curieuse. Il avoue n'avoir rien compris. Et l'équipe du magazine, sous la conduite de Michel Polaquet et François-Régis Bastide, lui répond le 17 mars 1968. Non, ce qui m'a échappé, c'est que j'allais voir justement un film dont on a parlé quand même pas mal, où il fallait découvrir quelque chose. Et je trouve que l'actrice qui joue dans ce film ne m'a rien fait découvrir de vraiment original. Et pourtant, elle montre tout. Écoutez, et pourtant, justement, il y a tout ou rien là-dedans. Bien. Écoutez, merci, monsieur. Charançol vous répond, monsieur. Oui, je voudrais préciser quelque chose d'un effet très curieux. C'est que on a énormément parlé de ce film avant qu'il sorte. On a fait un lancement insidieux et extrêmement habile. Tant et si bien que tout le monde va voir ce film qui fait de grosses recettes. Et tout le monde y va en cachette, un peu en rasant les murs et en mettant un manteau couleur de muraille. Et il voit un film absolument anodin, sans aucun intérêt, sans aucune valeur, extrêmement mal interprété, parce qu'on a coupé toutes les scènes porno. Alors, il sort de là, mais il n'ose pas dire qu'il y a été et qu'il a été déçu, si bien que tout le monde se laisse prendre et que finalement ce film qui n'a absolument aucun intérêt marche très bien, alors qu'un autre film porno, mais de grande qualité, qui s'appelle « Moi, une femme », ne marche pas. Moi, je suis curieux, j'aimerais bien répondre au spectateur parce que il a été victime justement d'une publicité qui est totalement en porte-à-faux et que le film suédois est plus habile que ce que... C'est-à-dire que, voilà, pour le public français, le suédois, c'est la fesse. Et alors, suédoisement vôtre, on sait ce que ça veut dire. Et Sjöman a dit ses braves... Sjöman, voilà. Et là, il a dit, je vais avoir ce brave public, et en jouant, profitant de la carte fessière pour dire des choses qui, moi, suédois, m'intéressent, et qui est une espèce de contestation politique de la Suède. C'est-à-dire qu'il a utilisé les fesses de la dame comme attrape-nicot, et que derrière les fesses de la dame, il y a une contestation de la Suède actuelle et même du monde autour qui est l'objet de la curiosité de cette petite fille. Sinon, c'est le spectateur, c'est l'homme qui est curieux. Mais il est curieux d'elle, comme dans Moi une femme. Ils me désirent tous, ils m'aiment, etc. Non, mais c'est je suis curieuse, c'est moi, je montre mes fesses, mais c'est pas ça l'objet de la curiosité, c'est le monde qui m'entoure, ce sont les problèmes, il y a une séquence qui pour des Suédois est terrifiante, c'est la fausse interview du roi de Suède, et c'est ça l'objet du film, et c'est tout ce qui n'est pas érotique. Toujours le quatrième degré. Mais non, c'est la dialectique, voyons. Ah, voilà. C'est ça la dialectique. Voilà. Vadon est stalinien. C'est la dialectique de la... Il me dirait trotskiste, encore ça me ferait plaisir, stalinien. C'est démodé. Et être un fan de Claude François au tout début de 1968, est-ce que c'est démodé? Que nenni. En attendant les événements, une bouffée de Clo-Clo, une émission de radio et de télévision. Sur l'écran de la télévision Témoin et sur la scène du Studio 102. Studio 102, c'est le lieu et c'est aussi le titre de l'émission que nous allons voir ce soir. Voir, moi je vais la voir, vous allez l'entendre et vous la reverrez dimanche 28 janvier à la télévision, 6h30, première chaîne. Émission de Michel Arnaud, réalisée par Jean-Pierre Spiro avec en vedette Claude François qui chante, qui danse et qui présente tout un programme. Il y a un très beau plateau, très psychédélique comme vous voudrez. Claude François fait son entrée. Bonsoir, avec merci. Les petits cris merci traditionnels. Merci, merci. Je vais... Oui, vous savez que notre génération, ma génération plus spécialement, est particulièrement... si vous voulez dire... Attends, je vais recommencer ça. On recommence à l'induction, je m'excuse. Je m'excuse, on recommence à... Il faut recommencer depuis le début, là, d'accord. Alors, je vais vous dire une chose. Vous allez... Je vous en prie. Pour la première fois, peut-être, dans l'histoire de la collaboration entre la radio et la télévision, vous allez assister non pas à une émission télévision directe, mais à une émission de télévision enregistrée. C'est-à-dire que... Quand on se trompe, là, eux, au moins, ils ont cette chance. Quand on se trompe, on recommence. Alors, ils se sont trompés. Les caméras n'ont pas fait ce qui était exactement prévu. Je veux dire que c'est pas toujours très facile d'évoluer sur un set, comme on dit, de télévision. Et ben, maintenant, on va recommencer. Et Claude François va se prêter très, très gentiment à ce petit exercice qui constitue à faire plusieurs fois de suite exactement la même chose avec la même bonne humeur. Je vous disais que ce plateau était décoré de façon très, très curieuse. Il y a des lampes qui clignotent un peu partout. Tiens, le générique repasse. Claude François présente, etc. Ce que je vous ai dit. Et ça ressemble un petit peu à certaines boîtes parisiennes à la mode. Vous savez, où vous entrez, on va se dire, on va se décontracter un petit moment. Là, on a passé la journée dans le bruit, dans les lumières, tout ça. Et on va aller passer boire un verre entre copains, tranquille, pour se détendre. Et vous vous retrouvez dans une espèce de cacophonie délirante, dans un jeu de lumière absolument affolant. Et vous sortez de là absolument sur les genoux. C'est un petit peu cette ambiance. Là, je n'ai rien contre, d'ailleurs, j'aime beaucoup. Réalisation Jean-Pierre Spiro, voilà, c'est ce qui passe sur mon écran témoin. Claude François va donc non seulement chanter, faire son tour habituel, mais présenter l'émission. Alors c'est lui qui va faire mon travail ce Bonsoir soir. Bonsoir tout le monde, merci d'être ici. Et quand il y a des incidents comme maintenant... Vous savez que notre génération est particulièrement influencée par les groupes américains et anglais, chanteurs et chanteuses anglais, étrangers d'une façon générale. Eh bien j'interviens. Je laisse parler Claude maintenant. Ici sur le plateau, vous allez les voir apparaître devant vous. J'ai invité tout spécialement ce soir des chanteurs, des vedettes étrangères spécialement, mais il n'y aura pas que des chanteurs étrangers, il y aura aussi des Français. Mais pour commencer, voici des dignes représentants de cette génération. Pour commencer, les hippies qu'on applaudit très fort pour commencer. Merci. Les hippies, bien sûr, ce sont les successeurs des beatniks, c'est un terme assez général, mais en l'occurrence, là, c'est un groupe qu'on ne connaît pas très bien, ils n'ont pas encore fait de disque, et je veux dire que je n'ai pas une documentation sur eux très, très fournie, mais c'est un orchestre, ils sont composés de... Attendez, je regarde par la vitre, 1, 2, 3, 4, 5, ils sont 6, et ils jouent des instruments traditionnels, c'est-à-dire guitare électrique et batterie, mais aussi, ils jouent des cuivres, ce qui est assez curieux, ils ont des très belles vestes mauves, avec des parements dorés, et puis ils ont des très longues chevelures, ils n'ont pas de collier de fleurs, ils n'ont pas l'air au fond si dément que ça, ils ont l'air assez sales. On les écoute. Nous reviendrons à Claude François. On revient toujours à Claude François. Le groupe Les Hippies vient de jouer, est en train de jouer. Mais alors, qui sont-ils, ces hippies? N'hésitons pas à nous montrer pédagogique. Les entretiens de Bayonne, diffusés sur France Culture, informaient, sans peut-être les rassurer, les parents, auditeurs en cette période d'avant les événements. Événements qui n'eurent guère de rapport du reste avec les hippies. Sachant de qui et de quoi l'on parle, donc un extrait de ces entretiens de Bayonne. Dans le cadre des entretiens de Bayonne, organisés par Georges Hahn, Marianne Monestier présente... Le pluriel et le singulier, thème choisi pour cette 9e rencontre. Aujourd'hui, 6e émission, Provo, Beatnik et Hippies. Avec la participation de André Rimaillot, journaliste. Qu'il soit vrai ou faux, le beatnik présente aux passants une toujours semblable silhouette. Peau grasse, cheveux longs, nu-pieds et guitare en bandoulière, le beatnik erre à pas lents, nez au vent, regard vague, comme s'il poursuivait en chaque ville un rêve entreaperçu ailleurs une fois. Tel nous apparaît-il, petit-fils des vagabonds de jadis, quand il ne mendie pas, quand il ne fait pas la manche, comme il dit, ou lorsqu'il ne reproduit point à grand trait sur le trottoir quelques cartes postales. Comment, dans ce désordre affirmé, dans cette volonté de vivre en marge, comment deviner le prophète, le révolutionnaire ou le réformateur? Comment le deviner au hasard des routes, des rencontres? Comment même le supposer? La tentative paraît vouée à l'échec. Au contraire des jeunes de 36, le beatnik ne se situe point précisément dans un contexte social particulier et précis, politique ou économique. Il refuse de se laisser encercler dans le carcan des revendications syndicales. Il ne s'engage pas, il ne fuit pas, il se met en marge. Il dévie, comme diraient les sociologues. Il ne monte pas dans le train de la civilisation. Il se met littéralement hors de la course. Il refuse de jouer le jeu. Les congés payés, le travail, l'assurance au chômage, ça ne l'intéresse pas. Il est ailleurs, il va ailleurs, il aime ailleurs, il vit ailleurs que nous, simplement pour nous affirmer que notre vie ne l'intéresse pas. Ce faisant, il exprime son opposition constante à un mode de vie, à une civilisation qui, à tous les niveaux, lui inspire un haut-le-cœur. Par son vêtement, par ses habitudes, en contradiction permanente avec les us et coutumes de l'époque présente, il a le souci constant d'exprimer son désaccord profond avec une civilisation qui ne considère l'individu qu'en fonction de son pouvoir d'achat et donc de consommation. Réformateur, à peine. Le beatnik, pur produit d'une société surdéveloppée, n'aime point assez cette civilisation au point de vouloir la modifier radicalement et de faire trembler les bases du nouveau continent. Son ambition se borne à exiger une sensible modification des structures sociales dans le seul but de permettre l'expression de ses propres valeurs dans le cadre d'une civilisation industrielle. Antiségrégationniste, antiraciste, partisan de la paix au Vietnam, apôtre déterminé de la non-violence, le beatnik ne s'engage point les armes à la main. Sa révolution, si révolution il y a, il entend la mener pacifiquement et quasi religieusement. Cette ambition ne date pas d'hier. Beatnik, mais qu'est-ce à dire? Selon François Bott, rédacteur à la Quinzaine littéraire, ce n'était pas une génération perdue, mais éperdue. Née vers 50 aux États-Unis, elle s'inventa une religion, la poésie avec ses rites, son enfer, ses prophètes, ses saints. Henry Miller, l'aigle de Big Sur, le jazzman Charlie Parker, ou bien Ezra Pound, le vieux poète cloîtré dans son silence à Rapallo en Italie, où les beatniks sont allés en pèlerinage. D'où vient le mot? De beaten, battu, vaincu. De beat, le rythme, le battement de la mesure, ou encore de béatitude. Il semble que les beatniks eux-mêmes aient joué à plaisir sur les trois sens. Le siècle et les brises, ils sont vaincus. Ils donnent à leur vie une certaine intensité dramatique, le rythme. Ils cherchent la béatitude ou l'extase. Les hippies, eux, sont d'une toute autre trempe. Leur chanteur principal, Allen Ginsberg, a beau être lui-même un ancien beatnik, ces nouveaux renégats de l'Amérique n'ont pas la moindre intention subversive. Loin des poètes vagabonds et des jeunes gens en colère, les enfants fleurs se veulent simplement des âmes amoureuses en proie à la libération de leur conscience cosmique. Les cheveux fous, le sourire aux lèvres, le visage couvert de peinture, la barbe ornée de clochettes, les hippies ont choisi les gares de New York et les stations de métro pour célébrer leur culte à Krishna qu'ils ont élu pour Dieu. Soucieux de prodiguer toujours de bons conseils à leurs contemporains, les hippies envoient parfois, dit-on, dès le matin, des messagers noirs au-devant des foules travailleuses. « Soyez heureux, leur disent-ils, et ne vous tuez pas trop au travail. » Tout a commencé à San Francisco le 14 janvier 1967. Ce jour-là, dans la matinée, une chaîne de radio diffusa l'appel suivant. « Rassemblez-vous demain à Golden Gate Park. Venez avec des clochettes, des fleurs, des plumes, des tambourins, des flûtes, des enfants, des amis, etc. » Le lendemain, ils étaient 40 000, recouverts de costumes bariolés, pour entendre Allen Ginsberg qui se mit à faire chanter la foule. Le 17 juillet, ils avaient déjà traversé l'Atlantique et tenaient leur premier meeting à Londres, au Speaker Corner de Hyde Park, en faveur de la libre consommation de la drogue. Ginsberg, lui aussi, était là, une fois encore, provoquant des explosions de joie chez les jeunes adeptes britanniques. Au terme de la manifestation, on vit les enfants fleurs se répandre dans les rues de la capitale britannique, embrassant les passants et leur demandant de consacrer leur temps à l'amour. Les bobbies londoniens n'étaient point non plus oubliés. Aux policiers, pantois, les hippies criaient « Même vous, nous vous aimons ». Un peu plus tard, une nouvelle manifestation se déroulait au pied de la statue du prince Albert, l'époux de la reine Victoria. Là, les hippies entonnèrent des hymnes à l'amour et à la drogue avant de clôturer la journée par un vibrant « God save the Queen ». Le 8 octobre dernier, ils atteignaient Paris, où leur première manifestation devait être placée sous le signe de la non-violence et de l'amour du prochain. Las, le Palais Royal, où ils s'étaient donné rendez-vous, n'est pas Hyde Park. Refoulés du Palais Royal, ils s'en allèrent à l'ambassade des USA pour manifester en silence leur solidarité avec les victimes du Vietnam. Ils tentèrent en vain ensuite d'aller se recueillir sur la tombe du soldat inconnu. Un policier les en empêcha. Les hippies s'en consolèrent avec le sourire, en s'écriant à l'adresse de l'agent de la force publique « Nous respectons les morts, mais aussi les vivants ». Qui donc sont ces joyeux farfelus qui sillonnent l'Amérique et les capitales d'Europe? Et pourquoi d'abord ce nom de hippie? D'origine aussi incontrôlable que le terme beatnik, le mot hippie dériverait de l'adjectif ep dans le coup, créé avant la Seconde Guerre mondiale par les fanatiques du Jitterbug. Ep devint ensuite hip, donnant au passage un substantif hipster, signifiant un gars à la page, autour des années 50, après lesquelles il tomba en désuétude. L'usage de la drogue le ramena alors à la surface de l'actualité. Dans les fourgons de la drogue, un autre mot surgissait qui allait faire fortune, et surtout la fortune des chemisiers et des fabricants de posters, le mot de psychédélie. Inventé en 60 par le pape du LSD, Timothy Leary, le terme de psychédélie s'applique aux visions colorées que l'on éprouve sous l'action de la drogue extraite de l'ergot de seigle. Par une extension comparée à celle qu'a subie en son temps le terme existentialisme, la psychédélie a étendu son domaine à l'habillement, aux films, aux boutiques, aux restaurants, dans le vent, lorsque leur ambiance rappelle les hallucinations du LSD. À la faveur, si l'on peut dire, de la drogue, naquirent un art, une peinture, un mode d'expression en totale opposition avec le style de l'école beatnik. Pur produit de la civilisation américaine, beatniks et hippies n'ont pratiquement pas étendu leur influence sur les rivages du vieux continent. Mais l'Europe, elle-même, soumise depuis 20 ans aux assauts d'une civilisation de consommation, a réagi par la voix de ses cadets, selon sa logique interne, selon son génie propre, contre le règne du frigidaire et des odeurs climatisées. Et la protestation contre le bien-être américain fut d'autant plus violente. Aiguë, vive, menaçante, qu'elle se manifestait cette fois dans les fiefs ancestraux du protestantisme. Amsterdam, Strasbourg, Göttingen, Berlin. Par l'aspect aussi brutal et immédiat que laborieusement élaboré de la revendication, les provos d'Europe ne ressemblent à rien, à première vue, à leurs petits cousins d'Amérique. En commun, ils ont sans doute la même répulsion pour un univers où toute activité serait standardisée. Mais les ressemblances s'arrêtent là. L'Europe, ajouteront certains, n'a pas eu le luxe d'avoir des hippies. Alors elle s'offre des provos. Malgré la vulgarité de l'expression, la réalité des faits est vue correctement. Seul un pays surdéveloppé, au degré de surdéveloppement auquel sont parvenus les USA, peut susciter de tels phénomènes. Les continents plus pauvres n'ont point de tels soucis. Ils se contentent d'avoir, comme en Amérique du Sud, des Che Guevara, ou plus simplement, lorsqu'ils sont en meilleure voie de développement, des Rudi Dutschke, de toute façon, des révolutionnaires. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle. Those who come to San Francisco. Et les événements, me direz-vous, un peu de patience. Avant mai-juin, il y a, vérité calendaire, il y a février, la neige et l'or. Les Jeux Olympiques d'hiver à Grenoble. Jean-Claude Killy a déjà reçu 2 médailles d'or, en obtiendra-t-il une de plus ? Le reportage qui vient nous renseignera. 2 manches, la première, puis la seconde. C'est très rapide une descente. Reportage en famille. Et maintenant, Jean-Claude. Ah, on va rester avec Robert Killy et Madame Killy qui, vous vous en doutez, vers lancer de course, à défaut de le voir, eh bien, vont penser que pendant 49 secondes ou 48 secondes ou éventuellement 47-50, ça va être très long. Il nous sera très difficile. Le brouillard redouble d'intensité maintenant. Oui, la foule applaudit. On annonce au départ Jean-Claude Killy, France. Bien, Jean-Claude Killy qui sait malheureusement toutes les responsabilités qui pèsent sur lui. Robert, pour lui. Tout ce que je demande, c'est qu'il arrive en bas en 49 secondes. Jean-Claude Killy est parti, 49 secondes. Jean-Claude Killy tire souvent de ses résultats une force prodigieuse au départ. Il n'est pas rare que dans les 5 premières portes, la façon de s'arracher du portillon, eh bien... Non, pour l'instant, Robert a eu peur, tombé, mais non, c'est simplement un petit peu le brouillard qui se lève et qui s'épaissit, et vraiment... Là, une tâche très difficile pour Jean-Claude, et je vous répète, l'atout de Jean-Claude, c'est d'une part, bien sûr, son aisance sur ses skis, mais aussi, au départ, cette façon de s'arracher du portillon, de jaillir, et de prendre facilement 5 centièmes à ses adversaires, 5 dixièmes. Jean-Claude qui, maintenant, dans le mur d'arrivée, cela ne trompe pas aux applaudissements du public. Jean-Claude Killy, qui est applaudi par tout le monde, qui va passer la ligne dans quelques instants, plus que 2 portes pour Jean-Claude. Top ! Bravo. Attention, attendons le temps. 49. 37, Jean-Claude Killy, 37, 7 ans. Bravo Jean-Claude Killy, 49-37, alors qu'Alfred Matt avait réalisé 49-68, c'est-à-dire que Jean-Claude Killy a 31 centièmes d'avance, il a quand même déjà un peu creusé l'écart, n'est-ce pas? Ah, le temps se lève pour la deuxième série. Ah, cela va peut-être un peu fausser la course, nous voyons maintenant en haut du chou d'arrivée. Voyez-vous, évidemment, nous ne souhaitons pas que le brouillard revienne, mais tout de même, il faut que tous les concurrents bénéficient, si je puis dire, des mêmes conditions atmosphériques. Donc, peut-être une surprise dans la deuxième série, le temps soleil va presque faire beau. Au départ, Jean-Claude Killy. Jean-Claude Killy qui suit les évolutions de l'ouvreur. Alors, Robert. Comment tu le trouves, là? Regarde, je suis un chewing-gum. Bien, regarde-le. Regarde le brouillard, il rigole. Et il rigole. Ça surprend, ça, qu'il rigole? Hein? Non, j'espère qu'il ne se décontente pas. Ah non, ça se bouge juste à la feuille, pas. Je crois qu'on peut lui faire confiance. Jean-Claude, donc, très décontracté au départ. Et vous voyez, ce sont de tels gestes, de tels petits sourires qui impressionnent très certainement ses adversaires. Là, c'est une lutte des nerfs poussée au paroxysme. Et je crois que Jean-Claude va très bien s'en tirer sur ce plan. On parle souvent du merveilleux équilibre nerveux de Jean-Claude Killy, mais je crois qu'aujourd'hui, il en a vraiment besoin. Dans le slalom géant, la situation était différente. Il y avait quand même une marge de sécurité confortable, 1 seconde 20 centièmes. Attention, toujours le départ fantastique de Jean-Claude. C'est parti! Il jaillit, mais alors là, terrible, et c'est parti. Jean-Claude qui part maintenant. Encouragé par, vous le devinez, les spectateurs de Champs-Rousses, il a disparu maintenant de notre vue, voilà, il passe très bien. Puis alors là, on fauche les poteaux de l'épaule, ce qui prouve que c'est Jean-Claude, c'est le signe de la grande forme, car il confiait dernièrement à son père, dernièrement j'avais les hanches bleues, c'est-à-dire que je frappais les fanions de la hanche, et ce n'est pas pour moi le signe de grande forme, c'est le Jean-Claude qui passe au ras des portes, esquivant toutes les difficultés du parcours avec l'épaule, et là je crois que là on le retrouve complètement. Jean-Claude qui vient de disparaître une nouvelle fois, c'est terrible cette course. En plus, on a l'impression que le coureur va se perdre, il se perd effectivement dans le brouillard, mais on a peur de tout, de l'accident, de la chute qui peut survenir à tout moment dans ce slalom. Jean-Claude qui va réapparaître maintenant dans notre champ de vision, la ligne d'arrivée complètement obscurcie, ça se lève un peu de soleil. Voyez-vous, on avait vu vers la même constatation, Jean-Claude qui passe la ligne 50-36. 50-36 pour Jean-Claude. Bien entendu, maintenant. Ce tracé est beaucoup plus sinueux. Certainement, les temps seront plus longs. Je crois qu'on on a vraiment trouvé le temps de base idéal, Robert. Peut-être. Alors voilà donc le temps de base, effectivement, Jean-Claude Killy. Le temps total pour les deux manches, 99 secondes, 73 centièmes. Maintenant, c'est au tour du Suédois Bent Gran de partir. Je vous rappelle que le Suédois Gran avait terminé la première manche à 37 centièmes de seconde de Jean-Claude Killy. Il n'y a pas de Suédois qui tienne, c'est bien Jean-Claude Killy, notre champion français, qui a gagné 3 médailles en or. Et revoici un autre champion français, Claude François, en ce début d'année d'avant les événements que vous savez. Peut-être aimez-vous aujourd'hui, Claude François, que vous ne supportiez pas à l'époque. Eh bien, c'est classique. Fabulous, thank you all so much. Hope to see you soon. Bye-bye, hope to see you soon. Thank you, good luck. Bonne chance, à bientôt. J'espère qu'on arrivera bientôt. Merci. Pardon pour cette école où je t'ai rencontré, et pour tes cheveux blonds que je dirais. Pardon pour cette table où nos noms sont gravés. Pardon pour ces pages arrachées à mes cahiers, pour cette encre violette que j'employais. Pardon d'avoir osé t'écrire que je t'aimais. Et pardon d'y penser, pardon d'en parler, pardon d'en souffrir, pardon d'en pleurer. Pardon pour cette ville où j'ai suivi tes pas, pour ton regard qui s'est posé sur moi. Pardon pour cette lune qui brillait ce soir-là. Pardon ce vieux banc où j'ai parlé d'amour, pour cette chambre où je t'ai fait l'amour. Pardon de cet amour que tu as piétiné. Pardon d'en souffrir, pardon d'en pleurer, pardon d'en mourir, pardon d'en crever. Pardon. Mon enfant, ton petit viendra te hanter et passera sa mort à tes côtés. Pardon si te poursuis au soleil comme à l'ombre. Pardon pour cette pluie qui collera tes cheveux, ce vent du nord qui fera pleurer tes yeux. Pardon pour cette pierre blessera ton pied. Pardon pour cette Europe qui collera pour ce miroir qui regardera ton corps, pour ce drap sur lequel tu dormiras. Pardon pour ce ventre de mer qui m'a porté, et pour ce jour maudit où je suis né. Pardon pour cet enfant qui est devenu moi. Pardon pour les bras dans lesquels tu m'oublieras. France Culture, en partenariat avec l'INA, les années 60. Et cette chanson, on l'était bien, années 60. Dans le studio 102 à l'ORTF, aujourd'hui maison de Radio France, 116 avenue du Président Kennedy, Paris 16e, dans ce studio 102 donc, on produit et l'on diffuse une émission pour la radio qui est aussi télévisée. Et sur le petit écran, à la même époque, strictement à la télévision, que voit-on ? On voit Joseph Pasteur qui présente une émission célèbre, un débat précédé d'un film. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Le film qu'Armand Jameau a choisi de vous présenter ce soir est assurément un des plus prestigieux de la cinémathèque mondiale. Il me suffira de vous rappeler qu'entre autres récompenses, The Lost Weekend, en français Le Poison, a obtenu le Grand Prix du Festival de Cannes et que son interprète principal, Ray Milland, a obtenu à ce même festival le Grand Prix de l'interprétation masculine. Évidemment, c'était en 1946, et je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, ce film, nous l'avons vu plusieurs fois, aussi bien au cinéma qu'à la télévision, c'est vrai. Seulement, je vous demande de le considérer ce soir d'un œil neuf, car d'une part, le poison, c'est-à-dire l'alcoolisme, est toujours un problème d'actualité, vous le savez. Et d'autre part, comme la projection de ce film va être suivie d'un débat sur l'alcoolisme, je crois qu'il est bon que vous regardiez, que nous regardions tous, l'action qui va se dérouler avec un œil très attentif. Ceci afin de vous permettre particulièrement de poser tout à l'heure, après le film, toutes les questions que vous voudrez bien poser aux personnalités qui sont réunies autour de moi ce soir et qui sont là pour répondre aux questions importantes sur ce problème qui, vous le savez, ai-je besoin de le souligner, un problème qui nous concerne tous, directement ou indirectement. Voici donc les personnalités qui sont réunies ce soir dans ce studio. J'ai tout d'abord à ma droite le docteur Yvonne Houdard, qui est assistante des hôpitaux de la Seine, et auteur d'un ouvrage qui est intitulé « Buvez sans crainte », mais je m'empresse de le préciser, « Buvez modérément ». Puis le professeur Bernard Metz, qui est professeur de physiologie du travail à la faculté de Strasbourg. À la droite du professeur Metz, Jean-Marc Melsen, écrivain, auteur d'un ouvrage intitulé « Le dernier vers », qui obtint le prix Vérité en 1966. À la droite de M. Melsen, le docteur Pierre Fouquet, qui est psychiatre et expert auprès de l'Organisation mondiale de la santé. Puis Henri-François Rey, écrivain, prix interallié 1963, vous le savez, pour les pianos mécaniques. Mais si Henri-François Rey est ici ce soir, c'est aussi parce qu'il est l'auteur de deux ouvrages dans lesquels l'alcoolisme tient une bonne place. Le premier s'intitule « La comédie » et l'autre, plus récent, « Le rage d'un ». À la droite d'Henri-François Rey, Madame Isabelle Ager. Madame Ager n'est ni écrivain ni médecin. Elle est tout simplement l'épouse d'un monsieur qui a beaucoup bu et qui s'est désintoxiqué en partie grâce à son aide. Et ce monsieur est à côté, qui est un désintoxiqué volontaire, et qui vous dira tout à l'heure après le film pourquoi il buvait, comment il buvait, pourquoi il s'est guéri et comment il l'a fait. Vient ensuite le professeur Jean Killing, qui est professeur à l'Institut agronomique et qui est président du Comité national de défense contre l'alcoolisme. Et enfin, le professeur Robert Debré de l'Académie des sciences, qui est aussi le président du Haut Comité d'études et d'information sur l'alcoolisme. Voilà, je crois que vous connaissez tout le monde maintenant. Nous allons regarder le film, non sans que je vous ai dit au préalable qu'il va vous être présenté avec le rectangle blanc, en raison de certaines scènes qui peuvent être de nature à troubler des âmes sensibles. Voici donc Le Poison. Il est mort. Il est mort, le soleil. Quand tu m'as quitté. Il est mort, l'été. L'amour et le soleil séparés. Je suis la seule à porter le deuil. Et le jour ne franchit plus mon seuil. Hier, on dormait. Il est mort le soleil, l'ombre mon cœur la pluie et mon âme s'habille de gris. Hier, la couleur que j'aimais le mieux, c'était la couleur de tes yeux, c'était la couleur de la mer, c'était hier. Il est mort l'été, l'amour et le soleil séparés. Alors, les événements de mai-juin 68, ils arrivent ? Un peu de patience une nouvelle fois pour ces événements légendaires. Ah, la légende. Sa propre légende, on peut la détruire soi-même. André Halimi reçoit Serge Gainsbourg, qui parle de lui, des Français, du public, de ce début d'année 1968. Dans la série « Détruisez votre légende », j'ai voulu demander à Serge Gainsbourg « Serge Gainsbourg, êtes-vous cynique ?» En effet, dans ses chansons, dans l'homme que représente Gainsbourg, son style, j'ai relevé un certain cynisme, enfin une sorte d'intelligence aiguë qui fait le cynisme. Serge Gainsbourg, êtes-vous cynique ? Ah, voyons. Cynique. Cynique ? C'est pas une philosophie le cynisme. Hein. Il y a eu quelques adeptes en Grèce, dont un gars dans un tonneau qui adorait se bronzer. Hein. C'est pas une philosophie, mais c'est une attitude. Si je suis cynique, certainement. Pourquoi ? Parce que, dirons-nous, c'est la seule attitude possible avec les gens qui vous sont absolument étrangers. Tout cynique que je suis, on m'a proposé dernièrement de faire la chance, d'écrire la chanson qui aurait été l'hymne des Jeux Olympiques. Hein ? On m'a dit que cette chanson tirerait à 500 000 exemplaires. On aurait fait un disque qui aurait tiré à 500 000 exemplaires sûrs. Hein ? 500 000 exemplaires, combien j'aurais touché comme droit là-dessus ? Je sais pas. Quoi, 10 francs ? Ça fait 5 briques. Ça m'a pas ému du tout. Je voyais pas comment écrire. Moi, je n'aime pas trop le sport. Sinon, regarder quelques rugbyman s'échanger quelques nions, d'accord. Ça fait assez plaisir. Mais à part ça, je sais pas quoi dire. Ben, ça ne m'a pas impressionné du tout. Donc, je suis pas. Aux dernières extrémités, je fais pas n'importe quoi. Je suis cynique, mais je suis intègre, certainement. Et le cynisme aujourd'hui, à votre avis, c'est une chose, c'est une réaction normale ou c'est une réaction, si vous voulez, qui attribue à ce mot de cynisme toute sa vérité, enfin, si on s'en tient au Littré ou à Larousse. Le cynisme n'est pas à la mode, quoi que vous en pensiez. Car les gens actuellement sont. Ne le pratiquent pas, sinon je vendrais. Je tirerais à 400 000 exemplaires. Au lieu de. Chut. Oui. Et vous ne pensez pas, quelquefois, faire peur aux gens ? Enfin, je pense à ces familles bourgeoises, enfin, heureuses, équilibrées, qui ont peur. Enfin, vous êtes un peu le diable, quelquefois. Le diable. Diable, diable, se dit le diable. D'abord, je n'ai pas conscience d'un public. Peut-être parce que je ne fais plus de scène. J'ai une certaine conscience de mon don d'ubiquité, de par le fait que je fais du disque et de la télé, du cinéma, mais par ça, je n'ai pas conscience d'un public. Ou alors, par un certain courrier, mais tellement déprimant, sur un papier quadrillé, avec un graphisme toujours identique, enfin, tout ça est un déprimant. Ce serait intéressant si les gens qui m'apprécient m'écrivaient. Mais je veux pas dire par là que je reçois des lettres d'injures. Je reçois des demandes d'autographes ou certaines déclarations passionnelles. Mais a priori, les gens qui m'apprécient ne peuvent pas écrire. Ce sont des gens qui n'écrivent pas. Le principe d'écrire à quelqu'un sous prétexte qu'on a entendu une chanson à la radio est stupide. Absurde. Quel est le public idéal pour Serge Gainsbourg ? Oh, le public universitaire. Et puis les casernes. C'était les années 60, aujourd'hui 1968, première émission. Document INA, Véronique Jolivet, Amélie Briand-Lejeune, Hervé Evano. Mixage Claire Levasseur, réalisation Annie Douel. Une émission de Philippe Garbi. À suivre, et d'ici là à télécharger, ainsi que les précédentes émissions sur le site franceculture.fr, à la rubrique de l'émission. Le bal allait bientôt se terminer. Devais-je m'en aller ou bien rester? L'orchestre allait jouer le tout dernier morceau. Quand je t'ai vu passer près de moi, c'était et puis un jour, j'ai vu changer tes yeux. Tu as brisé mon cœur en disant adieu. C'est